bébé, mutoto wa shaba, kamata nusu, lakini uache nusu. Kiria. Yvonne Mbombo, Bibi l'oiseau raro, salinga vraiment nini. Bibi, international, toute la ville en parle depuis à Santena. Express sur Ezali, Sokeke et Gourmaka.